Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Grande Catherine II de Russie. Je vais entretenir des relations avec toutes les puissances afin de pouvoir toujours me porter du côté de celle qui est attaquée et me constituer ainsi l'arbitre de l'Europe. Catherine II, impératrice de Russie aux ambitions européennes, comment fait foi cette lettre datée de 1762? Catherine II, qu'on appellera aussi Catherine la Grande, en référence à Pierre le Grand, de qui elle va s'inspirer et dont elle voudra poursuivre l'œuvre. Catherine II, qui régnera sur la Russie durant 34 ans, c'est le plus long règne de l'histoire du pays. Sensible aux arts, elle contribuera également à l'industrialisation de la Russie et à son expansion territoriale. Une grande comédienne, Hildegarde Neff, prête son talent à la souveraine la plus fabuleuse de l'histoire, Catherine de Russie. Vive Catherine! Vive Catherine! Vive Catherine II! Vive la... La grande Catherine, dont toute la vie est la preuve d'un incroyable génie politique et d'une remarquable force de caractère. Extrait de la bande-annonce du film Catherine de Russie, réalisé en 1963 par Umberto Lenzi. Incroyable génie politique et remarquable force de caractère, dit cette bande-annonce, pour faire le portrait de cette impératrice féministe avant l'heure. Ma collègue, journaliste à la télévision de Radio-Canada, correspondante à Moscou de 2007 à 2010, Alexandra Chaska. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une passionnée de Catherine II de Russie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Bien, plusieurs choses, je vous dirais. C'est une femme de pouvoir, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est une femme de pouvoir qui est une autodidacte, qui s'est retrouvée un peu par hasard à cette cour de Russie. Et aussi parce que sa vie amoureuse était une vie extraordinaire et où elle n'a pas été victime de ses amours, au contraire, elle s'est servie de ses amours. Un personnage extrêmement complexe. Femme moderne, au fond. Très moderne. Pour le 18e siècle où elle a vécu, et aussi parce que la Russie me fascine. Et en fait, Catherine II de Russie nous dit beaucoup sur la Russie d'aujourd'hui. C'est un pays qu'on connaît mal, et je trouve qu'à travers l'histoire, on le connaît beaucoup mieux. Et à travers l'histoire de Catherine II de Russie, qui a régné, comme vous avez dit, pendant 34 ans, on a vraiment des clés pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui, puis on y reviendra plus tard, Alexandra, mais qui justement revient en quelque sorte aussi à Catherine II, à Pierre le Grand, hein, Catherine II, Catherine la Grande, Pierre le Grand. Là aussi, il y a une parenté, là. C'est l'espèce de continuation de l'œuvre de Pierre le Grand qu'elle voudrait mettre en œuvre, justement. Oui, Pierre le Grand et Catherine II de Russie sont aujourd'hui considérés comme les plus grands impératrices, impérateurs ou tsars de l'histoire de la Russie. Et Pierre le Grand, qui a ouvert la Russie sur le nord, qui a fondé la ville de Saint-Pétersbourg et qui a conquis le nord, si vous voulez, et Catherine II, Catherine la Grande, qui a conquis le sud, qui a conquis la Crimée, le sud de l'Ukraine, etc., pour l'Empire russe. Alors, ils ont étendu, lui au nord, elle au sud. Et effectivement, il n'y a pas de lien de parenté, mais il y a un lien de vision pour la Russie. Alors, qui est-elle? Elle n'est vraiment pas au départ destinée à devenir impératrice. Qui est-elle, la jeune Catherine II? Parlez-moi de ses origines. Alors, c'est une petite princesse, une petite noble prussienne ou allemande, si vous voulez, qui est née à Szczecin, qui est une ville polonaise aujourd'hui, mon pays d'origine. Donc, c'est pour ça que je prononce ce nom imprononçable assez facilement. Alors, elle est née, cette ville est allemande à l'époque, elle est née donc dans une famille de nobles prussiens, et sa mère est quelqu'un qui a des grandes ambitions, et à travers sa fille, elle va réaliser ses ambitions. Et donc, elle fait des manœuvres, si vous voulez, pour amener Catherine sur les grandes cours européennes, et pourquoi pas Saint-Pétersbourg. Et alors, elle entre en contact avec Élisabeth Ière, qui est à l'époque l'impératrice de la Russie, qui est la fille de Pierre le Grand, et qui, elle, n'a pas d'enfant. Elle s'occupe de son neveu, du fils de sa sœur, Anne. Et ce neveu, elle veut absolument le marier. Et à l'époque, on disait, c'est d'ailleurs Pierre le Grand qui le disait, la meilleure épouse pour un tsar de Russie, c'est une épouse allemande. Mais en fait, les deux jeunes, donc Pierre, celui qui deviendra Pierre III, le neveu d'Élisabeth, qui deviendra donc le mari de Catherine, est aussi d'origine allemande. Ouais. En fait, ils sont petits cousins. Ouais. Et ils vont se marier, ça va marcher, le fait qu'ils se marient, mais attention, c'est le désastre, ce mariage. Ce mariage est un désastre d'abord parce qu'ils sont très jeunes. Elle a 16 ans, il a 17 ans, et c'est des enfants. Et dès le départ, il n'y a pas vraiment d'affinité entre les deux. Et c'est un mariage qui ne sera probablement jamais consommé. En fait, on ne le saura pas. Mais Catherine II, qui donnera beaucoup plus tard, 8 ans ou 9 ans après son mariage, naissance à un premier enfant, Paul Ier, qui deviendra Paul Ier, son successeur, et il est très probable qu'il ne soit pas le fils donc de son mari, de Pierre III. Et en fait, c'est un peu Élisabeth dont vous parliez qui veut ce mariage pour Pierre III, qu'il l'aura, mais il n'y a pas de successeur au trône, il n'y a pas d'enfant qui naisse de ce mariage. C'est un peu elle, au fond, qui va la pousser, Catherine, dans les bras, à prendre des amants pour qu'il y ait un successeur. Tout à fait. Quand elle se rend compte que ça fait plusieurs années, il n'y a pas de successeur, elle sait qu'ils ne couchent pas ensemble. Alors, elle pousse Catherine, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Catherine, on ne l'a pas dit au début, qui s'appelait Sophie d'Anhalt-Zerbst, qui a complètement changé de religion, de nom et de pays. Alors, cette Catherine, alias Sophie, est poussée dans les bras de Sergueï Saltykov, qui est un jeune homme russe, bien sous tous les rapports, et qui deviendra son premier amant. Mmh. Et alors, c'est lui qui, probablement, est le père de son premier fils. Comment arrive-t-elle à accéder au trône? Parce que ce n'est pas banal, c'est un coup d'État, il faut le dire. Son mari, finalement. Il faut dire d'abord que Catherine a attendu 18 ans ou 17 ans et demi la mort d'Élisabeth. Pourquoi elle a attendu la mort? Dès le départ, elle avait, à 16 ans déjà, 17 ans, elle se voyait sur le trône de la Russie, en tant qu'épouse ou en tant qu'impératrice. Et alors, ça a pris beaucoup de temps. Élisabeth a vécu longtemps. Finalement, Élisabeth meurt et c'est Pierre, donc son neveu, donc le mari de Catherine, qui devient tsar, qui devient l'empereur. Ça ne durera que 6 mois. C'est un homme qui n'est pas fait pour le pouvoir, visiblement. Déjà plus jeune, il était complètement infantile. Il n'arrivait pas aux chevilles de Catherine au point de vue intelligence. C'était quelqu'un d'abord qui était très germanisé, qui aimait jouer avec des petits soldats allemands en plomb, des petits soldats de plomb. Vraiment quelqu'un de pas très intéressant. Et Catherine, ça fait des années qu'elle sait qu'il ne fera pas un bon tsar. Et elle se servira de ses amitiés à l'intérieur de l'armée, même de ses amitieës amoureuses, parce que ce Sergueï Saltykov, qui sera le père de son premier enfant, ne sera que le premier d'une grande série d'amants dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et elle a déjà un autre amant qui est un soldat, qui est un officier très respecté dans l'armée et qui a 4 frères. Et ce sont les frères Orlov qui l'aideront à faire ce coup d'État qui est en fait, selon les biographes de Catherine, non pas un succès politique, mais un miracle, un véritable miracle. Elle fait arrêter Pierre III, qui est son mari, et quelques mois plus tard, il mourra dans des circonstances assez suspectes. Mm-hmm. Plusieurs diront que c'est elle qui l'a fait assassiner, Catherine, et d'autres diront non, c'était au cours d'une bataille d'ivrogne qu'il est mort. Officiellement, il est mort d'une colique hémorroïdale. Elle est au pouvoir, elle a, on y vient, beaucoup d'amants. Extrait d'une entrevue sur ce sujet. Ça a fait polémique, ça, le fait qu'elle a une vie amoureuse très active. L'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovski, dans une entrevue accordée récemment, en mai 2015, qui parle justement de la vie amoureuse de Catherine. On a dénigré Catherine II. On a dit une sorte de Messaline du Nord. Pourtant, elle a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. Catherine II, qui a dit une phrase qui me marque dans ses lettres, justement inédites, les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Quel message et quelle modernité, parce que jusqu'à l'heure actuelle, je suis frappé jusqu'à quel point cette femme qui était libre dans cette démarche, qui était une sorte, je vais vous dire, féministe avant l'heure, puisqu'elle a assumé son destin, elle a porté les hommes qui l'ont accompagnée au pinacle. Catherine II, femme libre, féministe avant l'heure, qui aura porté les hommes qui l'ont accompagnée au pinacle, dit Vladimir Fedorovski, Alexandra Chaska. Quelle place ils occuperont, ces hommes, ces amants de Catherine, dans la vie de Catherine et comment elle s'en fera des compagnons, finalement, des alliés? non seulement des compagnons, mais des alliés politiques importants. Comme je disais tout à l'heure, Saltykov lui a donné son premier enfant, ce qui a légitimé en quelque sorte son pouvoir, parce que pendant plusieurs années après la mort de son mari, et elle n'était pas la régente, donc seulement la mère du prochain tsar, mais elle était quand même, sa légitimité venait de ce fils qu'elle avait normalement eu dans son lors de son union avec le tsar. Et donc il y avait lui, il y avait ensuite Stanisław August Poniatowski, je le prononce à la polonaise puisqu'il a été le roi de Pologne pendant une trentaine d'années. C'est elle qui l'a ni plus ni moins mis sur le trône de la Pologne après la mort du roi précédent. C'était son amant, quelqu'un qu'elle a aimé beaucoup et qui l'a aussi énormément aimé. C'était probablement, elle était probablement l'amour de sa vie. Et, mais elle lui a donné accès à la Pologne. C'était un homme faible, un homme amoureux, et il l'a aidé à conquérir une bonne partie de la Pologne qui, souvenons-nous, après la prise de pouvoir, du pouvoir de ce roi, a été donc divisée entre trois puissances, dont la Russie. Ouais. Et c'est Catherine qui a inauguré ce partage, ces trois partages, parce qu'il y en a eu trois, de la Pologne, grâce à cet amant, le noble polonais Poniatowski. Ensuite, il y a eu Grégory Orlov, donc celui qui lui a permis de prendre le pouvoir. Et ensuite, il y a eu probablement l'homme de sa vie, Grégory Potiomkin, ou Potiomkin, comme on dit ici, qui était aussi un officier de l'armée et qui est devenu son amoureux et probablement son âme sœur la plus importante, qui a été l'homme fort derrière Catherine pendant 17 ans, même s'ils n'ont été amants que quelques années. Potiomkin qui l'a aidé à conquérir la Crimée, qui l'a aidé à conquérir le sud de l'Ukraine et une partie du Caucase. Potiomkin, qui est devenu commandant de l'armée russe et qu'elle a probablement secrètement épousé. Alors, après, il y a eu toute une série d'amants encore, toujours plus jeunes. Hein. D'ailleurs, Potiomkin, déjà, avait 10 ans de moins que Catherine. Et, il lui fournira de plus jeunes amants. Voilà. Alors, pour le... plus des années qui ont suivi, tous les 2-3 ans, Catherine changeait d'amant et c'était souvent Potiomkin qui repérait les beaux jeunes hommes dans l'armée russe qui devenaient ses amants. Mais elle l'a quand même, ils se sont beaucoup, beaucoup aimés. Petit extrait d'une lettre qui en témoigne, que Catherine écrit donc à Potiomkin, lue par notre collègue Marc Laurendeau. J'ai donné l'ordre formel à tout mon corps et jusqu'au plus petit de mes cheveux de ne plus vous montrer le moindre signe d'amour. J'ai enfermé mon amour dans mon cœur sous 10 verrous. Il y suffoque. Il y est mal à l'aise et j'en crains l'explosion. Oh, monsieur Potemkin, quel fichu miracle vous avez opéré en dérangeant une tête qui, ci-devant, dans le monde, passait pour être une des meilleures d'Europe. Ça montre un peu le ton de la relation. Ils s'aiment, mais ça nous dit aussi, Alexandra Chaska, que la correspondance de Catherine sera très, très importante. C'est une femme, puis on va revenir un peu plus tard autrement, mais déjà quand même un mot là-dessus. C'est une femme qui aime les lettres, qui aime écrire. Ah, c'est une femme qui ne peut pas vivre sans écrire. Elle peut pas vivre sans amour aussi, non plus, en fait. Elle a écrit un jour « Mon malheur est que mon cœur ne peut être content, même une heure sans amour ». C'est une femme qui a beaucoup écrit, qui a écrit beaucoup en français, donc qui a écrit un journal, qui a écrit des lettres, qui a écrit à des têtes couronnées partout. Elle le faisait elle-même, elle n'avait pas de secrétaire pour ça, elle adorait écrire. Elle disait « Une journée sans écriture, c'est une journée perdue ». Alors, son bilan comme impératrice, quand on regarde, on parlera de ses conquêtes extérieures qui sont très, très importantes sur le plan territorial, mais un mot sur ce qu'elle fera à l'intérieur même des frontières de la Russie. Quel bilan on peut faire de cette gouvernance de Catherine II? Je pense qu'on peut dire que Catherine avait des grandes ambitions pour la Russie, qu'elle a réussi à matérialiser par ses conquêtes, mais pas vraiment par les réformes. Elle a essayé, dès le début de son règne, de réformer la loi russe, de réformer les écoles. Elle a même écrit des manuels scolaires, imaginez-vous. Alors, elle avait des grandes ambitions, mais il faut dire que finalement, en bout de ligne, ça ne s'est pas vraiment réalisé. Elle a mis sur pied une grande commission, des sortes d'états généraux qui devaient réformer les lois. Elle a convoqué des gens de partout en Russie. Ça a duré des mois et des mois et finalement, elle s'est bien rendue compte qu'elle n'arrivera à rien. Elle n'a rien fait. Mmh. Elle était contre l'esclavage, alors qu'on sait que la Russie était sous le régime de servage. Des milliers de serfs, de paysans n'étaient pas vraiment libres. L'esclavage n'a été aboli qu'en 1861, plusieurs années après la mort de Catherine. Donc, elle n'a pas réussi à faire ces changements qu'elle aurait voulu. Par contre, elle a fondé l'Académie des sciences russes. Elle a construit de nombreux hôpitaux, de nombreux édifices en pierre vraiment solides et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Elle a construit des écoles. Elle a beaucoup essayé. Mais il faut dire que la Russie, c'est un pays qui n'est pas facile à gouverner. Et ça va rester. Les paysans seront très déçus parce qu'ils avaient de grandes attentes. Ça restera l'impératrice de la noblesse, Catherine II de Russie. Sur le plan militaire, sur le plan extérieur, héritage considérable. On écoute un tout petit extrait d'une entrevue avec l'historienne Hélène Carrère d'Encausse à l'émission Indicatif présent en 2003, puis on revient ensemble pour en parler. Elle a compris, d'abord, quand elle est montée sur le trône, qu'elle n'avait pas de légitimité, puisqu'elle n'était ni russe, ni de sang impérial, ni de sang de Pierre le Grand. Et elle a compris que pour être légitime, il fallait qu'elle poursuive l'œuvre de Pierre le Grand, c'est-à-dire la modernisation de son pays. Et en même temps, c'est vrai que c'est son obsession, si vous voulez, de donner à la Russie un vrai statut de grande puissance européenne, ce qu'elle n'a jamais eu. Et il faut dire qu'elle y réussit. D'abord, elle y réussit parce qu'elle a gagné la bataille contre l'Empire ottoman, elle a conquis la Crimée, et la Russie est installée sur les bords de la mer Noire. Hein. C'est fini, et ça sera une installation jusqu'à la fin du régime soviétique. Elle conquiert une partie de la Pologne, elle montre sa puissance partout, et du même coup, on peut dire que le statut de puissance internationale que lui refusait Louis XV, de grande puissance européenne, elle l'a donné à son pays, qui le conservera jusqu'à la Révolution russe et au-delà, jusqu'à la fin du régime soviétique. Entrevue qu'accorde donc Hélène Carrère d'Encausse à l'émission Indicatif présent en 2003, avant, bien sûr, Alexandra Chaska, que la Crimée redevienne russe. Mais ça nous montre ce qu'on vient d'entendre. Vraiment, l'héritage très, très riche, le territoire russe sous Catherine II va connaître une expansion très, très importante. Énorme. Une expansion, on dit, autour de 600 000 km², c'est l'équivalent de la surface de la France que la Russie gagnera sous Catherine II. Donc, c'est énorme. C'est entre autres grâce à, justement, Grégory Potiomkin, mais c'est elle qui est instigatrice de tout ça. Et ses ennemis principaux, ce sont les Ottomans, les Turcs, effectivement. Et elle les combat sans merci. Elle gagne énormément de terrain sur la Sublime Porte, donc la Turquie ou l'Empire ottoman. Et ça va donner, effectivement, comme dit Hélène Carrère d'Encausse, la stature de véritable puissance internationale avec laquelle on doit compter. Et c'est ça vraiment la plus grande réussite de Catherine II. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ses réformes intérieures, elle l'a justifié, à plusieurs reprises, pourquoi elle n'a pas réussi à, si vous voulez, jusqu'à un certain point, démocratiser la Russie. Et c'est une phrase qui est importante parce qu'encore aujourd'hui, on l'utilise quand on critique le manque de démocratie en Russie. Elle a écrit dans ses mémoires, l'étendue de la Russie exige qu'un pouvoir absolu soit accordé à la personne qui gouverne. Et donc, effectivement, mais elle a encore plus étendu ce territoire. Et vers la fin de son règne, elle a effectué un grand voyage, un seul grand voyage. Elle est partie de Saint-Pétersbourg jusqu'au bord de la mer Noire, jusqu'à Sévastopol. Et c'est un voyage qui a duré 6 mois. Elle est accompagnée par des ambassadeurs de plusieurs pays. Là aussi, il fallait montrer la grandeur de la Russie. Et il y a même l'empereur autrichien qui l'a accompagnée pendant un bout de ce voyage. Un voyage fait avec faste, avec des milliers et des milliers de serviteurs où elle a passé en revue ses territoires conquis et où elle a montré au monde qu'il fallait maintenant compter avec la Russie. Un dernier mot sur son amour. On a évoqué le fait que c'était une femme de lettres qui aimait écrire. Une journée sans écrire était une journée perdue, disait-elle, vous nous le disiez. Elle aime beaucoup les arts et les lettres. La France aussi, la France des Lumières, qui est très importante pour elle. Oui, alors elle devient amie avec les philosophes des Lumières. C'est une grande amie de Voltaire, qu'elle ne rencontrera jamais, parce qu'il n'a jamais voulu venir jusqu'en Russie. Il trouvait qu'il était trop vieux et trop malade. Par contre, elle était aussi amie avec Diderot, qui lui est venu en Russie à son invitation. Elle invite d'ailleurs Diderot à venir en Russie 9 jours après son coup d'État en 1762. Il faut le faire. Elle savait déjà à l'époque que faire un coup d'État, régner sur un pays aussi grand que la Russie, ce n'était pas suffisant. Il fallait encore qu'on en parle et que des esprits éclairés en parlent. D'ailleurs, Voltaire deviendra une sorte d'agence de pub de Catherine II de Russie. Russie. Il l'appelle Sémiramis du Nord, la reine légendaire de Babylone. Il est complètement à plat ventre devant elle. Elle est amie aussi avec Grimm, l'auteur de célèbres contes. Et elle est aussi une collectionneuse d'art. Elle collectionne des statues, des tapis, des tableaux, des pièces de monnaie. Elle dévalisera littéralement les collections de France, d'Italie et d'Angleterre pour les amener en Russie. Et encore aujourd'hui, vous pouvez les voir à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage, qui est l'ancien palais de Catherine II et d'autres tsars. Aujourd'hui, Alexandra, il en reste quoi de Catherine II en Russie? Eh bien, aujourd'hui, d'abord, elle est revenue en grâce, si vous voulez, après la chute de l'Union soviétique. Tous les tsars sont un petit peu revenus là. Évidemment, les plus grands, on considère encore aujourd'hui, c'est Pierre le Grand, c'est Catherine II, et de plus en plus d'études, d'écrits se font à son sujet, comme au sujet de Pierre le Grand. Mais aussi, comme je disais au début, elle nous dit sa façon de régner et nous parle beaucoup de la Russie aujourd'hui. Parce que on regarde la Russie aujourd'hui, on la comprend pas vraiment très bien. Il y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment bien la Russie. Et j'ai l'impression qu'en étudiant l'histoire de Catherine, on comprend un petit peu mieux. Je veux vous donner un exemple. La religion. Catherine II a compris très rapidement que la religion orthodoxe, c'était l'essence même de l'identité russe et du peuple russe. Contrairement à son mari, Pierre III, qui n'a régné que 6 mois et qui ne s'est jamais fait couronner tête de l'Église orthodoxe, elle, immédiatement après son coup d'État, elle sait que tant qu'elle n'a pas la légitimité de l'Église russe, elle ne peut pas régner sur ce pays de façon sécuritaire, si vous voulez. Elle peut se faire renverser n'importe quand. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui la place de plus en plus grande que Vladimir Poutine donne à la religion orthodoxe, Cyril, le patriarche de Moscou et les chefs de l'Église orthodoxe russe, c'est quand même le chef de 100 millions de croyants, est devenu un allié indéfectible pour Poutine. Et Vladimir Poutine s'appuie constamment sur lui pour justifier, par exemple, ses agissements en Ukraine ou la reprise de la Crimée, comme vous disiez tout à l'heure. Et il le fait dans le même esprit que Catherine II le faisait à l'époque. Alors, ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'on comprend vraiment mieux la Russie d'aujourd'hui quand on se donne la peine d'étudier son histoire et évidemment l'histoire des tsars qui ont régné le plus longtemps. Alexandra Chaska, journaliste à la télévision de Radio-Canada, je rappelle, correspondante à Moscou de 2007 à 2010. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.